Peu de temps après, Pellerin réclame à Frédéric une somme exorbitante pour le portrait de Rosanette, ce que Frédéric refuse, de même qu'il refuse d'avancer l'argent ahuissonné pour relancer son journal. Puis, invité par Sisi en guise de réconciliation, il sème le trouble dans le dîner et finit par attaquer physiquement Sisi. Le duel est inévitable. Après avoir pris Regimbard et Dussardier comme témoins, il se retrouve face à l'aristocrate dans le bois de Boulogne où ce dernier s'évanouit de peur. C'est à ce moment qu'Arnoux vient interrompre le duel, persuadé que Frédéric s'était battu pour sauver son honneur. Peu de temps après, Frédéric voit dans le journal du Saunay un article le dénigrant, et dans un autre journal, le portrait de la maréchale exhibé à son nom. Pellerin et Saunay se vengeaient. Dépité, Frédéric décide de se rendre chez les D'Ambreuse, où il est froidement accueilli. Après s'être mis à dos les invités, par un plaidoyer contre l'ordre établi, il quitte les lieux. Rentrant chez lui, il rencontre Dussardier, qui l'invite à reprendre contact avec Deslauriers, qui se réjouit à cette idée. Il lui apprend que sa mère aimerait le revoir, et que la fille du père Roch serait un bon parti. De retour à Nogent, Frédéric passe pour le futur de Mademoiselle Louise. À Paris, Deslauriers décide d'aller voir Madame Arnoux. Il lui apprend que Frédéric va se marier avec Mademoiselle Louise.